Un jour je serai pris dans la toile de cette mode bizarre. Je ferai tout pour m'en sortir, mais ça ne marchera pas. Ils parcourent tous la terre entière, envahissent les cartables. Ces petits bêtes dedans des balles, dégageant plein de pouvoir. Pokémon, c'est leur histoire. Ils entourent le globe comme ça. Rien ne les arrêtera, ils dirigeront le monde, je crois. Pokémon, même à notre âge, c'est dur de se mettre à ça. Ça demande du courage. Pokémon, à coup de Pokémon. Rien ni personne sur leur chemin ne pourra les arrêter. Car pour accomplir leur destin, ils ont mis les mômes à leurs pieds. Quand il faudra passer à l'action, les armées seront toutes là. Et tous ensemble, ils gagneront le plus ringard des combats. Pokémon, c'est leur histoire. Ils entourent le globe comme ça. Rien ne les arrêtera. Ils dirigeront le monde, je crois. Pokémon, même à notre âge, c'est dur de se mettre à ça. Ça demande du courage. Pokémon, à tout Pokémon. Dirigeront le monde, je crois. Pokémon, même à notre âge, c'est dur de se mettre à ça. Ça demande du courage. Pokémon, à coup Pokémon. Pokémon.